J'ai fait grands efforts, mais les coutumes de rabaisser le sexe opposé, juste j'aimerais toucher les lèvres de la vie sur la musique. De mes mélodies engourdies, y'a un hic qui implique. Moi, le hip hop, c'est comme les meufs, je vise trop haut. J'ai les mots, mais je suis pas beau. Et les filles que je vise sont toujours entourées d'une dizaine de machos. Dictature de l'apparence, les meufs sont mieux avec les mecs à qui on peut pas faire confiance. T'es contente, maintenant traîner avec le gars qui a violé ta meilleure amie. On entend pas les gens qui crient, passe ton bruit. Qu'est-ce qu'elle fuit, à personne, je ne me fie. À la fois, il coupait mon rap, c'est un comme l'if. Du défautif, mon amour me fume. Et ça le rend compte à l'esprit. Personne n'est fautif, j'ai les yeux qui brûlent. Peut-être parce qu'il bouge, la vie est rouge. Sans pour moi, rouge à lèvres pour toi. T'es contente avec ton string qui dépasse, attire les mâles comme des taureaux. Fut-nous leur embourrage, maquillage, matin entreveillant. Ça doit être golo. Je me fais bourrer par tous ces gigolos. Ce texte était un message d'amour. Pas de chakra tourne, les verrues qui poussent et repoussent. Alors nous, si on peut faire comme les hommes que t'aimes, allez danser sur la table, misérable chienne. Toujours enculé par l'honnêteté. Je ne suis qu'une poupée qu'on s'échange. Ok. Certains veulent me couper les jambes. J'aime les gens qui ne sont pas des anges. Que des raclures, aucune légende. Ce son c'est pour les sales tasses qui font des sexes féminins en stringue. Ce son c'est pour les sales salopes avec lesquelles on tringle. Ce son c'est pour les sales putes qui choisissent les mecs pour leur fringue. Ce son c'est contre les machos qui aiment plomber l'anus de leur chat salade. Bang bang. Aujourd'hui plus de femmes au foyer, elles ont déjà leur statut de prostituée. C'est la postérité. J'avoue je suis macho mais les GR sont comme nous. Tu fais des retouches, je nique tout et fais des tours avec des faux propos. Moi je te rentre dedans avec mes gros mots. Ici tout le monde se croit dans un film porno. Ni pute ni soumise organisée par des femmes au foyer excitées. Les mâles en crise. Si j'écris ce texte c'est parce que ça plaît aux femmes. J'aime les gros snaf en tavaler. Lève la patte. Plein d'obsédés excités s'amusent à tripoter la girl avec qui je veux sortir. Tout en faisant semblant d'écouter ce qu'elle a à dire. Je crois avoir trouvé le moyen de la séduire plutôt que de fuir. Mon cœur est en train de cuire. Il faut m'habiller en donnant de l'argent à des gros patrons. Nuire, représenter la tuline génération. Considérer le sexe féminin comme de la prostitution. La faire cocu, mentir, la forcer, toucher son dû et son cul. Je suis un bourrin et les autres gars sont des lignes de tir. Les autorités sous ma ligne de mire. Les brutes elles aiment ça. Les misérables putes dansent sur la tebla et pas le blabla. Je ne suis qu'une poupée qu'on s'échange. Ok. Certains veulent me couper les jambes. J'aime les gens qui ne sont pas des anges. Que des raclures, aucune légende. Babs de fausse monstre solidaire qui se lâche cool. Squadés par des pétasses qui prennent leur ami pour cible. Fais tourner le joint selon les règles qui en découlent. Pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Les filles sont toutes des Marie-Jeanne, elles tournent et croient tout contrôler. Elles tournent et retournent et à la fin se font fumer. Alors comme c'était une grande fille parce que tu t'étais que t'as un job. Mais c'était peut-être un peu facile avec le ramassage de fruits. Oui. Fruit ton égocentrisme mais ce connard de baiser en mob. Rebelle en papier, épicace, c'est un truc de petit. Et puis quoi, tu te remues avec ton bout de shit caché dans tes cahiers propres. Le casé chez les piscines, les cachets te font croire que t'es marié. Alors qu'en fait t'es déjà morte. Te joue la babs parce que tes parents t'empêchent de baiser. Trop pressé de t'intégrer dans la société, ce mec t'a inséré dans les chiottes. Si tu ne saignes pas, tu vas saigner. N'oublie pas de remplir tes papiers, t'es déjà rempli de lait et cahiers. Me parle pas d'amour, tu claques des doigts, t'en insistes. Le fais pas trop de fois, tu vas tomber sur l'antéchrist. Alors petite, on se prend pour une gothique. Ton cul, t'es qu'une petite gosse de riche. Éclate-toi bien pendant ta jeunesse gâtée. Pendant que tes fesses vont être pelotées. Fais gaffe ma puce. Jouer avec les mecs te transforme en pute de luxe. Tu fais un planning pour chaque pin. Et lui ce sera après mais choisis pas encore moi en dernier. Mais ce 2000 se termine par un crime. Je ne suis qu'une poupée qu'on s'échange. Ok. Certains veulent me couper les jambes. Fight. J'aime les gens qui ne sont pas des anges, que des raclures, aucune légende. T'es morte, cette fille qui me suit. T'es morte. T'es morte.